إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 5 dans l'explication du livre Umdatul Ahkam. Et c'est le sharh, on utilise le sharh de Cheikh Abdullah Al-Bassam qui s'intitule Taysir Al-Allam Sharh Umdatul Ahkam. Et donc c'est les hadiths qui ont rapport avec les règles des ibadat et de la sharia de façon générale. Donc on est dans Kitab al-Tahara encore, et aujourd'hui on va commencer al-Hadith al-Sabi', le septième hadith. Et c'est le hadith de Othman radiallahu anhu qui explique comment on fait le wudu, c'est-à-dire qui explique comment faire le wudu tel que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire le hadith ensemble en arabe, puis après on va faire la traduction du hadith, puis une fois qu'on aura fait la traduction du hadith, on va lire les explications qui ont été mentionnées par le Cheikh Abdullah Al-Bassam. Donc le hadith, voici le hadith en arabe. An Humran Mawla Uthman ibn Affan radiyallahu anhu annahu ra'a Uthman da'a bi wadu'in فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم. Donc ce hadith c'est rapporté selon Humran qui était le serviteur de Othman ibn Affan, c'est-à-dire c'était son esclave, il l'a libéré par la suite. Et il dit qu'il a vu Othman appeler pour un contenant, c'est-à-dire il a demandé qu'on lui apporte un contenant avec de l'eau pour faire le wudu dedans. Et qu'est-ce qu'il a fait en premier? C'est qu'il a vidé un peu de l'eau du contenant sur sa main. Et il a lavé ses deux mains trois fois. Donc c'est-à-dire qu'avant d'entrer sa main dans le contenant où il y a l'eau, il a lavé sa main trois fois avant de la rentrer. Et la sagesse dans ça, on va le mentionner, c'est une des raisons, c'est pour éviter justement de salir l'eau. Si par exemple sur notre main il y a de la nourriture ou bien de la graisse ou des saletés, tu vides un peu d'eau sur ta main, comme ça tu la nettoies, ça fait que tes mains vont être propres, après tu peux rentrer ta main dans l'eau, il n'y a pas de problème, tu ne vas pas salir l'eau. Ensuite il dit, فغسلهما ثلاثا donc il les a lavé trois fois. ثم أدخل يمينه في الوضوء il a rentré sa main droite dans le contenant avec l'eau puis il a fait المضمضة والاستنشاق والاستنثار c'est-à-dire المضمضة c'est quand tu mets de l'eau dans ta bouche puis que tu la fais tourner dans ta bouche et que tu la recraches ensuite tu fais rentrer de l'eau dans ton nez et que tu la fais sortir hein? Donc الاستنثار c'est de pousser l'eau hein, de la faire de la souffler du nez par le nez oui en fait la sunna c'est ça c'est que tu fais rentrer de l'eau dans ta bouche et dans ton nez ensemble avec une main avec une poignée puis tu fais la fais sortir par la bouche et par le nez yani donc d'un seul coup c'est à dire que on va en parler de toute façon mais qu'est-ce qu'on voit souvent les gens faire c'est laver trois fois, faire trois fois le madmada, hein, mettre de l'eau dans la bouche, rincer la bouche après cracher, puis prendre trois poignées d'eau, comme si une fois pour le nez, deux, trois, c'est-à-dire trois fois pour la bouche séparément et trois fois pour le nez séparément. C'est-à-dire que c'est permis de le faire, c'est pas quelque chose que si tu le fais c'est interdit, non, c'est accepté, ça fait partie des façons qui sont acceptées. Sauf que qu'est-ce qui est plus en accord avec qu'est-ce qui est mentionné dans les hadiths à ce sujet, c'est de le faire avec une seule poignée. Hein, c'est-à-dire tu mets avec une poignée d'eau, tu fais le nez et la bouche, la bouche et le nez plutôt. Une fois la bouche et le nez, et tu fais sortir l'eau. Deux fois, trois fois, donc avec une seule poignée, tu fais la bouche et le nez en même temps. C'est ça la sunna. Donc il a fait al-madmada wal-istinshaq et al-istinthar. Istinshaq c'est quand tu fais rentrer l'eau dans le nez et al-istinthar c'est quand tu la fais sortir. Thumma ghassala wajhahu thalathan. Puis il a lavé son visage trois fois. OK, ensuite wa yadayhi ila al-mirfaqayn et ses mains jusqu'au coude. Et les coudes, on va voir que c'est inclusivement, c'est-à-dire les coudes sont inclus. C'est pas jusqu'au coude, c'est-à-dire en bas du coude, mais plutôt le coude inclus dans le bras. Puis ensuite, il a passé ses mains mouillées sur sa tête. Hein? Et ensuite, il dit qu'il a lavé ses deux pieds trois fois. Ses deux pieds, il les a lavés trois fois chacun. Puis il dit, j'ai vu le prophète Othman ibn Affan radiallahu anhu a dit, j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faire son wudu de la même façon que je l'ai fait moi-même. Hein? Comme yani, je l'ai fait moi-même. Et il a dit, celui, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien, oui c'est ça, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait son wudu de la façon que je l'ai fait moi, alors par la suite il fait rak'atayn, il prie deux rak'at par la suite, sans qu'il ait des pensées, sans qu'il pense dans sa tête pendant sa prière, ou qu'il pense à d'autres choses, ou que son esprit est distrait, il pense à d'autres idées, ou d'autres pensées pendant sa salat. Donc c'est-à-dire, il fait sa salat, puis il se concentre uniquement sur sa salat. Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ce qu'il a comme péché précédent. Allah va lui pardonner ce qu'il a comme péché précédent. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Bien sûr, An-Niyya, c'est An-Niyya, c'est dans presque toutes les ibadat, il faut avoir An-Niyya. إِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَّاتُ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئِمْ مَا نَوَى et en fait An-Niyya c'était le premier hadith qu'on a étudié dans ce livre puisque l'imam Abdul Ghani Al-Maqdisi il a commencé son livre Umdatul Ahkam par le hadith de Omar ibn al-Khattab إِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَّاتُ donc le premier hadith qu'on a lu c'était ce hadith là c'est pour expliquer qu'en même temps dans chaque ibadah on commence toujours par An-Niyya. Naam. C'est-à-dire que, comme on l'a lu quand on a fait le charh de Innama al-A'malu bin-Niyyat, on a expliqué que la Niyya, elle distingue une ibadah d'une autre. Et elle distingue, par exemple, entre la, le fard et la nafila, et entre niya et entre nafila et une autre. D'une ibada à l'autre, chaque ibada, tu as une niya pour cette ibada. Puis bon, le cheikh il va mentionner des points, donc on va lire qu'est-ce qu'il a expliqué s'il y a des détails sur cette question là, inshallah. Naam, qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, gharib al-hadith. Gharib al-hadith, c'est yani les mots qui sont employés dans le hadith qui sont pas toujours faciles à comprendre ou qui sont pas toujours clairs. Donc on appelle ces mots-là gharib. Gharib parce que c'est comme des mots qui sont pas gharib, on peut dire que c'est étranger, mais dans le contexte ici, c'est plutôt des hadith, des mots qu'on n'a pas l'habitude de toujours comprendre facilement, ou bien qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce sont pas communs, c'est ça. Donc ça nous aide à comprendre ces termes-là. Des fois, c'est des termes qui sont connus, des mots qu'on connaît, mais qui sont employés d'une façon spéciale ou spécifique dans un hadith en particulier, qui font que on n'arrive pas à saisir sa signification facilement. Donc les mashaykhs, les ulama, ils expliquent ces mots-là, ces vocabulaires-là, pour qu'on puisse comprendre mieux le hadith. Et parmi les exemples qu'il a mentionnés, le premier, il a mentionné 6 exemples ou 6 mots, 6 termes ou expressions. Puis le premier, c'est al-wadu. Et la différence entre al-wadu et al-wudu. Wudu avec al-dhamma et al-wadu avec fatha. Naam. Donc le cheikh, il dit wadu bi fatha al-waw. Al-ma alladhi yutawadda bihi. وقال النووي يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد الفعل الذي هو المصدر وبفتح أولهما إذا أريد الماء الذي يتطهر به وأصل الوضوء من الوضاء وهي الحسن والنظافة فسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه. Donc qu'est-ce qu'il dit? Que il y a deux termes, le wadu avec fatha et wudu avec dhamma. Celui qui est avec fatha, ça signifie l'eau avec laquelle on se fait son wudu. Al wadu, ça veut dire l'eau par laquelle on fait son wudu. L'imam an-Nawawi, il dit al wudu et al tuhur, c'est l'acte lui-même de faire l'acte de faire son wudu. Al wudu, c'est la purification, et al tuhur aussi, c'est la purification. Tandis que si on veut parler de l'eau avec laquelle on fait la purification, eh bien on l'écrit avec fatha. Dans ce cas-là, ça veut dire al wadu et al tahur. Hein? Al wudu, c'est l'action de se purifier. C'est la purification elle-même. Tandis que al-wadu, c'est l'eau avec laquelle on se purifie. At-tahur. C'est-à-dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est très connu, huwa at-tahur ma'uhu al-hillu maytatuhu. At-tahur, les ulama, ils expliquent, c'est يعني كم الشيخ اللي دي سي كاس لا شوز avec laquelle on se purifie. اريد الماء اذا اريد الماء الذي يتطهر به يعني يكتب بفتح او ينطق بالفتحه يعني donc soit que c'est l'eau par laquelle on se purifie, ou bien at-tahur c'est l'eau qui purifie et qui est pure en elle-même. اي نعم. الطاهر في نفسه والمطهر لغيره. نعم. Donc qui est pur et qui purifie. نعم. هذا هو. C'est. نعم. Oui. Et le wudu avec le dhamma, le son ou, ça c'est le wudu lui-même, la purification. Il y a Non, la boisson, comme quand tu vas prendre du jus d'orange ou du Coca-Cola ou d'autres, il y a de l'eau dedans, mais étant donné que sa couleur est changée, son odeur et son goût, à un tel point qu'il est sorti de la description de l'eau dans son état de H2O. Tu vois, quand on dit que ça va être de l'eau, on ne va plus dire que c'est de l'eau, on va dire que c'est du Coca-Cola, on va dire que c'est du jus d'orange. Donc avec ça, on ne peut plus c'est ça. Il est pur, mais il n'est pas purifiant. H2O, c'est la formule chimique de la composante de l'eau. Oui. C'est-à-dire H2, ça veut dire qu'il y a deux hydrogènes puis un oxygène. Oui, non, c'est ça. طيب. Donc, فأفرغ يعني قلب من الإناء. Oui, à la fin, il dit que le terme wudu, ça vient de al-wada'a, qui signifie la beauté et la propreté. Donc, quand on parle du wudu pour la salat, c'est comme si on l'appelle wudu. Pourquoi? Parce qu'elle nettoie la personne qui le fait. Elle le nettoie. Quand on fait son wudu, c'est ça nous purifie et ça nous nettoie en même temps. Donc wudu, ça vient de la propreté. Ça vient du terme propreté, nadafa, nadif. En arabe, on dit quand quelque chose est propre, on dit que c'est nadif. Et la propreté, on dit nadafa en arabe. Donc wudu, ça vient de wada'a, qui veut dire al-nadafa. Wal-husn, al-husn, ça veut dire la beauté, quelque chose qui est beau, qui est bien. Oui. Non, al-nadafa. Oui, nadafa. Donc al-wudu, ça vient de la propreté, en fait. Le deuxième terme que le cheikh a mentionné, c'est fa-afraga. Fa-afraga, yani qallaba min ma' al-ina ala yadayhi. Donc afraga, ça vient de fariga, yani ça veut dire de vider. Hein, tu vides de l'eau, c'est-à-dire tu prends du contenant, tu prends un peu d'eau, tu la renverses sur ta main pour te nettoyer ta main. C'est ça que ça veut dire. Ok, donc celui-là c'est afrara, c'est clair. Le troisième, la yuhaddith fihima nafsahu. Hadith al-nafs huwa al-wiswas wal-khatarat wal-muradu biha huna ma kana fi shu'un al-dunya. يعني فلا يسترسل في ذلك وإلا فالأفكار يعني وإلا فالأفكار يتعذر السلامة منها. Donc le cheikh il explique que comme c'est mentionné dans le hadith à la fin, que celui qui fait ce wudu puis qui prie deux rak'a sans qu'il pense, hein, sans qu'il se perde dans ses pensées ou commence à réfléchir à des affaires qui ont pas rapport avec la salat, c'est ça. Il rentre dans des idées ou dans des pensées, commence à réfléchir à d'autres choses pendant sa salat. Donc celui-là, il aura pas cette récompense. C'est-à-dire, c'est pas comme il n'aura pas la récompense comme si tous ses péchés seront pardonnés, ses péchés passés seront pardonnés. Mais le cheikh il explique que hadith nafs, c'est-à-dire les pensées, les suggestions de ton âme, les suggestions de l'âme, les pensées, les choses qui te viennent à l'esprit pendant que tu fais ta salat, c'est de ça qu'on parle. Et le cheikh il dit qu'en particulier, c'est-à-dire de penser à des choses de la dunya pendant que tu pries, hein, donc pendant que tu fais ta salat, puis là tu es en train de réfléchir à j'ai oublié, j'ai le lavage à faire, je l'ai pas fait encore. Ou bien, ah, il faut, c'est vrai, après que je sors de la mosquée, je dois aller au supermarché faire des courses. Donc, si tu penses à ces choses-là pendant ta salat, eh bien ça, c'est quelque chose qui, en fait, te distrait, qui vient te détourner de ta concentration dans la prière. Donc, le cheikh, il dit, des fois, ça, c'est le shaitan qui fait ça. Tu vois, le shaitan, quand tu pries, le shaitan, il fait exprès pour venir te parler de toutes sortes de choses. Oui, c'est ça. Il vient des fois même, tellement c'est grave, c'est que des fois tu te souviens pas de quelque chose, et que tu veux t'en souvenir, que tu arrives pas à t'en rappeler, tu rentres dans la salat, Et là, tout d'un coup, tu t'en rappelles. Alors que auparavant, tu essayais de t'en rappeler, tu n'arrivais pas à t'en rappeler. Tu vois? Donc ça, c'est exactement le shaitan. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il te dit, ah, tu te souviens, tu as vu telle chose, ou tu as entendu telle chose. Hein? Donc tout ça, c'est le travail de shaitan. C'est qu'est-ce qu'on appelle al-wiswas. Et al-wiswas, c'est comme les suggestions que le shaitan vient te faire. Il vient te suggérer des choses, te soupirer des choses. Puis après, tu rentres dans ces idées, dans ces pensées-là. Puis tu te déconcentres dans ta prière. Exactement. Comme le cheikh, il explique plus loin, il dit que lorsque tu commences dans ta prière, que tu vois que tu commences à avoir ces idées, tu dois essayer de les repousser. Tu dois essayer d'enlever ces idées de ton esprit pour te concentrer, te forcer à te concentrer plus dans ta salat. Et puis, le cheikh, il explique que qu'est-ce qui est l'important, c'est que tu ne te laisses pas aller dans tes pensées. Si par exemple, tu as une idée au début qui vient dans ta tête, puis que tu la repousses, tu la chasses de ton esprit, puis que tu dis non, là je prie, je me concentre dans ma salat, dans ce cas-là, tu ne seras pas pénalisé dans ta salat, tu ne seras pas blâmé dans ta salat. Qu'est-ce qui est pas correct, c'est de se laisser aller dans ses idées, puis de continuer à penser à des choses qui n'ont pas rapport avec la salat pendant la salat. Parce que, le cheikh dit, parce que c'est très difficile de ne pas penser à rien du tout, hein, ou à pas avoir de ce genre de pensée dans notre salat. Donc si on a des pensées comme ça dans la salat, c'est pas grave, ça va pas annuler la salat. Sauf que si tu te laisses aller dans tes pensées, puis que tu continues à penser dans ces idées-là alors que tu es dans la salat, eh bien ça peut venir diminuer ta récompense, ou bien faire que ta prière n'aura pas toute la valeur qu'elle aurait pu avoir si tu avais eu de la concentration. Exactement, ça a un rapport avec le khushu', parce que le khushu', c'est l'humilité, la concentration dans la salat, et ça c'est très très important, tu vois, c'est fondamental dans la salat. Naam, qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh, le point numéro 4, il a le mirfaqayn. Il a le mirfaqayn, il dit il a bima'na ma'a, yani ma'a le mirfaqayn. Donc il explique que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien quand Othman il explique le wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de faire de laver le bras jusqu'au coude, et donc il dit en fait jusqu'à signifie avec le coude, en fait jusqu'à signifie avec, et non pas c'est-à-dire le coude inclusivement, et non pas on fait jusqu'au coude puis on s'arrête au bras jusqu'à l'épaule. Non, ça c'est qu'est-ce que Abu Huraira faisait. Il pensait que c'était italatul ghurra, hein, mais c'est pas correct de faire jusqu'à l'épaule. Ça c'est dépasser la limite. La sunna c'est jusqu'au coude. Yani italat al-ghurra, les ulama ils ont dit ça veut dire de bien étendre l'eau sur le membre, mais pas, ça veut pas dire de dépasser de faire le bras jusqu'en haut, parce que la sunna c'est pas de faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait pas ça, faisait pas jusqu'à l'épaule. Et les ulama ils ont expliqué ça, justement on a mentionné ça dans le hadith précédent, et même on va le mentionner par la suite. Il y a un hadith qui s'en vient à ce sujet là ici. Inna ummati yud'una yawm al-qiyamah ghurran muhajjalin. On va le mentionner inshallah. Non. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il a le mirfaqayn, on a lu. Après, il dit thumma. Yani, le cheikh, il dit lam yaqsud biha huna at-tarahi, kama huwa al-aslu fi ma'naha, wa innama qasad biha mujarrad at-tartib. Faqad ashara ibn Hisham fi al-Mughni wal-Radi fi sharh al-kifaya إلى أنها قد تأتي لمجرد الترتيب. Donc thumma, c'est-à-dire quand dans le hadith, il a dit thumma salla rak'atayn, Le cheikh il dit ça ne veut pas dire at-tarahi, c'est-à-dire de laisser un délai entre le wudu et la salat. Ça veut dire juste l'ordre, pour dire dans l'ordre dans lequel tu dois le faire. C'est-à-dire tu fais ton wudu puis après tu fais raka'atayn. Et non pas que tu peux le faire yani longtemps après. Mais yani ça veut dire juste que tu le fais un et après tu fais l'autre. Non, parce que bon, il mentionne que il y a des ulama de la langue arabe qui ont expliqué que thumma ça peut vouloir être pour at-tarahi et ça peut être pour at-tartib. Hein? Donc c'est des détails. Après il dit wa nahwu wudu'i jaa fi ba'd al-alfaz hadha al-hadith mithla wudu'i hadha. Donc là qu'est-ce qu'il fait, il explique que nahwa et mithl ça veut pas dire la même chose. C'est-à-dire nahwa ça veut dire yani quelque chose qui est vers, yani celui qui fait son wudu, yani disons vers ou bien comme à peu près comme qu'est-ce que j'ai fait, il aura cette récompense là. Puis dans l'autre narration, comme je l'ai fait, c'est-à-dire qu'il fait son wudu comme je l'ai fait. Et il explique qu'il y a une différence entre les deux termes et que il explique qu'il y a une différence, donc, parce que par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son wudu à lui, on ne pourra jamais avoir le même degré de wudu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, donc c'est dans ce sens-là. Puis aussi que la récompense est reliée à la description, mais que même si on ne peut jamais faire le wudu aussi parfait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien, c'est des différences entre les deux termes, mais bon, en tout cas, c'est des détails. Et tu fais selon ton, et l'important c'est selon ton intention, comme on l'a lu. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith, le sens général de ce hadith. اشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ici la description dans le hadith, c'est la description du hadith complet et parfait tel que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a fait. Donc si tu veux faire le hadith, si tu veux suivre cet exemple de ce hadith, tu as suivi l'exemple du hadith, c'est-à-dire tu as fait le meilleur exemple de wudu que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait. C'est le wudu complet. Tu vois? Parce que sinon, il y a possibilité de faire le wudu, disons, d'une manière moins complète que celle-là. Ici, dans ce hadith, on voit que chaque membre qui est lavé trois fois, il le fait trois fois. Hein? Il y a des exemples comme ça. Tandis que c'est possible de faire le wudu juste en une fois. Hein? Puis il y a des éléments qu'il a fait, comme par exemple, laver le nez, la bouche et le visage, il le fait trois fois. Le bras, il le fait trois fois. Les pieds, il le fait trois fois. Alors que si tu le fais une seule fois ou deux fois, ce sera valable, ce sera correct. Hein? Mais si tu veux le faire parfaitement, complètement, tu le fais de cette façon-là trois fois. Ça, c'est l'exemple complet et parfait dans le wudu. Et avec... Tu mets de l'eau. Non, tu mets de l'eau, puis tu laves trois fois, les trois. Non. Mais là, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il dit فَإِنَّ عُثْمَان رضي الله عنه من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة عملية ليكون أبلغ تفهما وأتم تصورا في أذهانهم. Donc qu'est-ce qu'il a fait Othman? Il leur a appris comment faire le wudu avec un exemple pratique. Et ça c'est pour montrer comment Othman ibn Affan avait une bonne façon d'enseigner, une bonne façon de montrer et d'enseigner aux gens comment faire le wudu. C'était pas juste un enseignement verbal, parce que le wudu c'est quelque chose qui est pratique. Donc si tu fais juste le dire comme ça avec la bouche, c'est pas toujours clair. Il n'y a pas de meilleure façon pour enseigner à quelqu'un comment faire le wudu que de lui montrer réellement comment on fait le wudu. D'accord? Donc, il a dit, amenez-moi un contenant avec de l'eau. On lui a ramené le contenant. Il a vidé de l'eau sur sa main. Il l'a lavé trois fois. Toi, il lave comme il faut ses mains. Après, il prend sa main droite, il lave sa main, sa bouche et son nez trois fois. Après, lave son visage. Une fois, deux fois, trois fois. Après, il prend de l'eau, il lave sa main jusqu'au coude. Et en même temps, quand tu vas laver ton bras jusqu'au coude, tu dois laver ta main aussi dans le bras. Parce que le lavage des mains en premier, ça ne fait pas partie de l'obligation dans le wudu. Ça fait partie des choses qui sont, disons, recommandées. Mais pas obligatoires. Non. Tu vois, si tu commençais le wudu direct avec la bouche et le nez seulement, la bouche, le nez et le visage, sans faire les mains avant, ce serait valable ton wudu quand même. Parce que dans le wudu, qu'est-ce qui est obligatoire quand tu laves la main? C'est après, quand tu laves ton bras, tu laves ta main avec. Donc c'est ça l'obligation. Le bras, tu fais trois fois le droit, après le gauche, trois fois, jusqu'au coude, et tu laves la main aussi. Puis après, tu vas mouiller tes mains, mais tu ne vas pas garder de l'eau dans tes mains. Tu vas juste faire en sorte que tes mains soient mouillées. Tu rentres tes mains dans l'eau, puis tu laisses l'eau couler de tes mains, puis tu passes tes mains du devant de la tête, là où il y a les cheveux qui poussent, tu les passes jusqu'en arrière, là où il y a la nuque, là où les cheveux s'arrêtent en bas de la tête, en arrière de la nuque, puis tu reviens au départ, là où tu as commencé, et une fois que tu as fait ça, tu rentres tes doigts, tes index dans le trou de tes oreilles, puis tu laves l'intérieur de tes oreilles avec l'index et avec le pouce, tu passes tes doigts en arrière de ton oreille. Donc l'index pour l'intérieur de l'oreille et avec le pouce, l'extérieur, c'est-à-dire le derrière de l'oreille. Et ça, c'est avec la même eau que avec celle que tu as passer tes mains sur la tête. Ensuite, tu laves tes pieds. Ton pied droit, en premier, trois fois. C'est comme, tu dois faire jusqu'à la cheville, laver ton pied, faire attention de ne pas oublier le talon, tout le pied comme il faut. Le coude comme il faut, quand tu fais le bras, de ne pas oublier le coude. Et quand tu fais le pied, de ne pas oublier les talons, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a lu ce hadith-là déjà, puis takhlil al-asabi', comme le frère il dit ici, c'est de passer le petit doigt entre les orteils, ok, pour être sûr que tu vas faire passer l'eau entre les orteils. Bon, est-ce que c'est obligatoire de le faire? L'important, c'est que l'eau rentre entre les orteils. Mais si tu passes le doigt entre les orteils, ça fait partie de la sunna. Et ça, c'est sûr que dans ce cas-là, tu vas être certain que l'eau est rentrée. Tandis que si tu le fais pas, tu risques de ne pas avoir complété comme il faut ton wudu. Waylun lil aqabi minan nar. C'est ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu quelqu'un qui avait fait son wudu, mais qui avait laissé l'espace d'un ongle sur son talon où il n'y avait pas d'eau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Waylu lil aqabi minan nar » pour avertir les gens de justement faire attention lorsqu'ils font le wudu, de ne pas rien oublier, de ne pas négliger une partie. Il les a menacés de cette façon-là. C'est hadith rapporté selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abu Huraira et Aisha selon Al-Bukhari et Muslim. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Donc, il leur a fait cet exemple. Lorsque, par exemple, Cheikh Mohammed bin Ramzan, il est venu à Montréal Et ça, c'est son habitude, même quand il va dans d'autres pays aussi, il fait des cours pour apprendre les bases de la purification, et des choses comme ça. Il ramène un contenant, hein. Il demande qu'on lui ramène un contenant avec de l'eau, et il fait le wudu et en pratique, et il montre aux élèves yani, comment on fait le wudu pratiquement. Et ça, c'est quelque chose qui, comme le cheikh il le dit ici, c'est quelque chose qui aide à ce que les gens apprennent bien comme il faut, puis que ça reste hein, plus facilement dans leur mémoire. Et nous, c'est comme ça, je me rappelle, quand j'étais converti au début, c'est comme ça que notre professeur nous a appris au tout début. Hein? Naam, alhamdoulilah. Et l'avantage aussi, c'est que lorsque tu apprends à quelqu'un à faire le wudu comme il faut, selon la sunna, eh bien, toutes les fois que la personne va faire son wudu, à chaque fois, toi, tu auras la récompense. Parce que tu lui as appris comment faire son wudu correctement. Hein? Donc ça, c'est très, très important. Ah, ben, tu vois? Non. Ouais. Ah, c'est ça. Donc, quand tu l'as appris, une fois que tu l'as appris, même des fois, il y a des gens, ça fait des années qu'ils sont musulmans, qu'ils font la prière, qu'ils font le wudu, mais ils ont pas appris le wudu comme il faut selon la sunna. Donc, ils faisaient plusieurs erreurs sans savoir. Puis après, ils ont appris comment faire le wudu. Puis finalement, yani, c'était correct. Mais c'est pour dire que il faut pas penser que parce qu'on est musulman, on est né musulman ou bien on est musulman depuis des années que on peut pas avoir des erreurs dans le wudu, hein? Exactement. On peut être musulman depuis longtemps et faire des erreurs sans savoir, hein? Donc c'est toujours bon de le fiqh. Eh non, subhanallah. Non, c'est ça. Dans le wudu, comme dans la salat, il y a des wajibat, il y a des arkan, il y a des wajibat, il y a des mustahabbat, hein? Il y a des choses qui sont des piliers que si tu le fais pas, ça va pas être bon. Il y a des choses qui sont obligatoires, puis il y a des choses qui sont recommandées. Tu vois, dans la plupart des adorations, il y a des choses comme ça. Donc ça fait partie des exemples. Laver les mains trois fois, ou bien laver les mains trois fois avant de commencer le wudu, ou bien faire trois fois chaque membre, ainsi de suite. Ben, sauf la tête et les oreilles. Hein, donc laver trois fois, l'enlever, oui. Mais c'est parce que en fait c'est pas suffisant. Si on se base seulement sur l'étude islamique qui est donnée ou l'éducation islamique qui est donnée dans les écoles, c'est pas suffisant pour apprendre notre religion. Donc il faut vraiment que quelqu'un soit motivé pour étudier l'islam à l'extérieur, puis en dehors de l'école, soit à la mosquée avec les mashaykhs, ou bien il va dans une école spéciale pour apprendre. Et aussi l'important, c'est de faire apprendre aux gens les adorations en se basant sur les preuves, hein, c'est-à-dire les textes, soit les preuves du Coran et de la Sunna. Pourquoi? Parce que souvent les gens apprennent le fiqh dans les livres de fiqh seulement, mais des livres de fiqh où il n'y a que les aqwal des ulama sans les adillah, c'est-à-dire des paroles des fuqaha sans les preuves sur lesquelles les positions sont basées. Donc il n'y a pas de ayat, il n'y a pas de hadith dans ces livres-là. Parfois c'est seulement les paroles de qu'est-ce que les shuyukh ont dit. Et parmi les choses que tu retrouves dans ces paroles-là, parfois, des choses qui ne sont pas supportées par des adillah, c'est-à-dire des paroles, des jugements ou des opinions des ulama, mais il n'y a aucune preuve, tu vois. Et donc c'est pour ça le danger aussi dans ces livres-là, c'est que tu vas juste faire quelque chose parce que c'est écrit dans le fiqh ou dans le madhab ou dans la parole d'un alim, mais là, quand tu retournes dans le hadith ou dans la sunna, tu vois que c'est le contraire qui est la vérité. Donc c'est ça qui est dangereux, et c'est ça l'avantage d'étudier le fiqh dans les livres de hadith comme celui-là, c'est que pour chaque chose que tu vas apprendre, tu sais qu'il y a le dalil, et tu connais le dalil authentique. Donc ça c'est un truc très très intéressant et très bien. Ensuite, le Cheikh dit فإنه دعا بإناء فيه ماء ولئلا يلوثه لم يغمس يده فيه وإنما صب على يديه ثلاث مرات حتى نظفتا وبعد ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء وأخذ بها ماء ماء تمضمض منه واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثا ثم مسح جميع رأسه مرة واحدة ثم غسل رجليه مع الكعبين ثلاثا فلما فرغ رضي الله عنه من هذا التطبيق أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذا الوضوء الكامل أخبرهم أنه من توضأ مثل وضوئه وصلى ركعتين محضرا قلبه بين يدي ربه عز وجل فيهما فإنه بفضله تعالى يجازيه على هذا الوضوء الكامل وهو وهذه الصلاة الخالصة بغفران بغفران ما تقدم من ذنبه. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Cheikh il dit donc qu'il a appelé, il a appelé pour qu'on lui amène un contenant. Pour pas salir l'eau, il l'a lavé, il a versé trois fois de l'eau sur ses mains, puis il les a lavées. Une fois que ses mains sont propres, il a rentré sa main droite dans le contenant, puis il a lavé ses mains trois fois, jusqu'à ce qu'elles soient propres. Ensuite, il a rentré sa main droite dans le contenant, puis il a lavé sa bouche et son nez. Hein? Il a fait al-madmada et al-istinshaq. Puis il a lavé son visage trois fois. Puis il a ensuite lavé son bras droit jusqu'au coude, le coude qui est inclus là-dedans. Puis il a fait le bras gauche, puis ensuite il a passé ses mains mouillées sur sa tête au complet, une seule fois, une fois par derrière, puis revenir par en avant. Puis il a ensuite lavé, ben, les oreilles ici c'est pas mentionné dans ce hadith, mais c'est mentionné dans d'autres hadiths. Hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith al-uzunani min al-ra's, al-uzunani min al-ra's, c'est-à-dire les deux oreilles font partie de la tête. Donc quand tu passes tes mains sur ta tête, tu laves les oreilles parce que ça fait partie de la tête, d'accord? Et donc même s'il l'a pas mentionné, c'est sous-entendu parce que ça fait partie de la tête, et il a dit qu'on lavait la tête. Et ensuite il dit وغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا. Il a lavé ses pieds avec les chevilles inclus trois fois. D'accord? Après, il dit, lorsqu'il a terminé de faire cette application-là et de leur montrer, il leur a dit qu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faire son wudu de cette façon-là exactement. Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé de faire ce wudu-là, il leur a dit que celui qui faisait ce wudu-là comme ça, que par la suite il faisait deux rak'at, que s'il fait ces deux rak'at sans penser à d'autres choses durant sa prière, hein, et qu'il se tient devant son Seigneur avec un cœur concentré puis humble, eh bien, yani Allah va le récompenser pour ce wudu qui est parfait, puis pour cette salat qu'il a fait avec sincérité, en lui pardonnant tous les péchés qu'il a fait précédemment. Hein, les péchés qu'il a fait précédemment lui seront pardonnés. Maintenant, le Cheikh, il mentionne s'il y a des divergences entre les ulama par rapport à ce hadith. Qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là? Le Cheikh, il dit, « اختلف العلماء » Il dit, « ذهب الأئمة أبو حنيفة مالك الشافعي وسفيان سفيان الثوري وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب. Donc qu'il y a des imams parmi les imams de l'islam qui ont considéré que de faire l'istinshaq, c'est-à-dire de nettoyer le nez dans le wudu, que c'était pas une obligation, mais que c'était seulement recommandé de le faire. Et parmi les ulama qui ont dit ça, il y a l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Sufyan al-Thawri. Eux, ils disent que ce n'est pas obligatoire de laver le nez dans le wudu, c'est juste recommandé. Le nez. D'accord ? Al-istinshaq. Puis, il dit وَالْمَشْهُورْ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدْ الْوُجُوبِ فَلَا يَصِحُّ الْوُضُوْ بِدُونِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ إِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَإِسْحَقْ وَغَيْرِهِمَا. Donc il dit que qu'est-ce qui est le plus célèbre de la part de l'imam Ahmed ibn Hanbal, c'est que c'est obligatoire et que ton wudu ne sera pas valable sans que tu nettoies ton nez, sans que tu laves ton nez pendant ton wudu. Et ça c'est également le madhab de Ibn Abi Layla et de Ishaq. C'est deux parmi les imams aussi. Et d'autres également. C'est-à-dire qu'il y a d'autres savants aussi qui ont cette position que c'est obligatoire. Et qu'est-ce qui est bien avec ce livre également, c'est que non seulement il mentionne les divergences d'opinion, mais il mentionne les preuves de chacun. Pour qu'on comprenne pourquoi ils ont eu cette divergence et c'est quoi la position qui est la plus correcte dans cette divergence-là. Donc il dit par exemple que les premiers, c'est-à-dire ceux qui ont dit que c'est pas obligatoire, que c'est recommandé, ils ont utilisé comme preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Ashrun min sunanil mursalin minha al-istinshaq wa sunnatu ghayrul wajib wa istadalla al-mud. Donc ça c'est leur argument. Ça c'est leur argument. Ils ont utilisé comme preuve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il y a 10 choses qui font partie des exemples ou de la sunna des messagers. Parmi ces 10 choses, il a mentionné al-istinshaq. Et ça, c'est le hadith. C'est quoi ce hadith qui mentionne les 10 choses? C'est le hadith de la fitra. Le hadith des articles de la fitra. Hein? Souvent, vous avez entendu parler, comme par exemple le fait d'enlever les poils sous les bras, de diminuer la moustache, de laisser la barbe. Sunan al-fitra. Oui. Ça, c'est. On va en parler plus loin, on va en parler des exemples de ça. C'est un hadith qui mentionne, il y a 10 articles qui font partie de la fitra des messagers. Que c'est des exemples qui font partie de la sunna et qui font partie de la propreté. Parmi elles, il y a par exemple d'enlever les poils sous les bras, de couper les ongles. Oui, il a mentionné dans un autre hadith le nombre de jours. Et on va en parler de toute façon quand on va arriver à ce chapitre. Et aussi la circoncision. Et aussi de couper les poils du pubis exactement, de les raser. Ça, c'est des exemples de Sunan al-Fitra. Parmi les exemples, ils ont mentionné al-istinshaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné al-istinshaq, c'est-à-dire nettoyer le nez avec de l'eau. Donc, eux, ils ont dit, donc ça prouve que c'est une sunna et que c'est pas obligatoire. C'est ça leur argument. Et le cheikh dit وَاسْتَدَلَّ الْمُجِبُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَالْأَنْفُ مِنَ الْوَجْهِ وَبِالْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ الصَّحِيحَةِ مِنْ صِفَةِ فِعْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَمْرِهِ بِذَلِكَ وَأَجَابُوا عَنْ دَلِيلِ غَيْرَ الْمُجِبِينَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسُّنَّةِ فِي الْحَدِيثِ الطَّرِيقَةُ لأن تسمية السنة لغير الواجب اصطلاح من الفقهاء المتأخرين. Donc qu'est-ce qu'il explique le cheikh, c'est que ceux qui disent que c'est obligatoire de laver le nez, ils ont ramené comme argument et comme preuve le verset 6 dans surat al-Ma'ida où Allah subhanahu wa ta'ala dit et lavez vos visages. Et ils ont dit le nez fait partie du visage et donc il faut obligatoirement le laver. Et ils ont ajouté à ça les nombreux hadiths authentiques dans lesquels on voit la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son wudu où il lave son nez et il ordonne aux gens de laver le nez aussi. Donc ça c'est la preuve que de laver le nez c'est une obligation dans le wudu aussi. Et à propos de l'argument des autres qui disent que c'est pas obligatoire, le hadith qui dit qu'il y a 10 choses qui font partie de la sunna des messagers, ils ont expliqué que le fait de dire que ça fait partie de la sunna, ça ne veut pas dire que ce n'est pas obligatoire. Parce que le terme sunna, dans les hadiths, c'est employé dans le sens de la voie. et non pas dans le sens de qu'est-ce qui n'est pas obligatoire. Puisqu'il y a des choses dans cet exemple qui sont mentionnées qui sont obligatoires dans les 10 choses. Comme par exemple, il y a la mention de couper les moustaches et de laisser la barbe. On sait que de laisser la barbe, c'est une obligation. Donc, ça fait partie de la fitra. Non, ça fait partie de des obligations, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « U'fou anil liha wa qassu al-shawarib khaliful majus, khaliful nasara ». Hein? Dans plusieurs narrations, il y a des exemples comme ça. Et donc, les ulama, dans les ulama d'usul, ils disent que al-amru yufidu al-wujub. Al-amr, al-fi'l al-amr yufidu al-wujub. C'est-à-dire, s'il y a un verbe qui est impératif, dans lequel le prophète nous ordonne de faire quelque chose, ça implique une obligation. Excepté si il y a un autre hadith qui vient mentionner contredire ou bien disons diminuer l'interdiction, c'est-à-dire dans ce cas-là ils vont dire que, ou l'obligation, ils vont dire dans ce cas-là c'est pas obligatoire, c'est recommandé seulement, ou bien ils vont dire c'est pas interdit mais c'est déconseillé, hein, ou macro, détestable. Donc c'est pour ça, dans le cas de la barbe, il n'y a rien qui vient diminuer l'obligation de la laisser pousser et l'interdiction de le raser. Et ça, c'est un exemple parmi les exemples, mais sinon, il y a d'autres choses aussi, comme par exemple le fait de, par exemple, la circoncision. Les ulama disent que c'est une obligation, tu vois, puis il y a beaucoup d'autres éléments. Donc, quand les salafs, les ulama des salafs, ils disaient, par exemple, ça c'est sunnah, ils ne voulaient pas dire qu'est-ce que les ulama qui sont venus après ont voulu dire, eux, en employant le terme sunnah. Parce que les définitions qui sont venues par la suite, comme qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui quand on dit, par exemple, qu'est-ce que c'est sunnah, ils disent c'est qu'est-ce qui est mandoub, ou bien mustahab, ou bien ils vont dire, ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqab tarikuhu. Hein? Ils vont dire ce que celui qui le fait, il est récompensé, mais celui qui ne le fait pas, il ne va pas être puni. Ça, c'est des définitions qui sont apparues plus tard dans les livres de fiqh, chez les fuqaha. Mais les premiers musulmans, ils n'employaient pas le terme sunnah dans ce sens-là. Ils employaient le terme sunnah dans le sens plus général de vouloir dire qu'est-ce que la voie et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, il y a des choses qui sont sunnah obligatoires et il y a des choses qui sont sunnah recommandées. C'est ça. Et pourtant, si tu regardes par exemple, des fois les gens, ils pensent que ce qu'ils font est le plus facile et le plus simple. Pourtant, ils se rendent la vie plus difficile en contredisant la sunna. Et dans l'exemple de, par exemple, le fait de raser la barbe, le plus facile, c'est de la laisser pousser et de ne pas y toucher. Mais de la raser, c'est ça ce qui est plus compliqué. Parce qu'il faut toujours acheter les produits, puis à chaque 2 jours, tu dois comme enlever ça pour pas que ça commence à pousser. Donc, tu te fatigues comme ça. Hein? Gaspillage, énorme. Tandis que, sinon, tu la laisses pousser. Et puis, alhamdulillah, zinatul rijal. Aisha radiallahu anha, elle a dit, zinatul rijal, c'est quelque chose qui embellit les hommes, la barbe. Hein? Et c'est qu'est-ce qui distingue l'homme de la femme aussi. Et même chez le lion, par exemple, tu vois, le mâle, il a une crinière et la femelle n'en a pas. C'est comme si c'est la couronne pour le lion. Hein. Et pour l'homme, c'est quelque chose qui est... C'est comme, il a une crinière, on appelle ça une crinière. Hein. Mais ça a la même... Ça ressemble à une barbe, effectivement. Donc, l'homme, quand il laisse sa barbe, c'est un signe de sa virilité, de sa force. Et même que parmi les sahaba, parfois, il y en a qui avaient que leur barbe poussait pas. Hein, ils étaient imberbes. Et ils sentaient que c'était quelque chose qui les diminuait, ou bien qui faisait qu'ils se sentaient moins, pas moins fort, mais disons que c'est quelque chose qui leur manquait. tu vois, qu'ils auraient aimé avoir. Donc c'est pour ça, celui qui la rase volontairement, c'est quelque chose qui enlaidit le visage, et surtout quand la personne est vieille. Quand tu vois une personne âgée qui rase sa barbe, et ça enlaidit la personne, hein. Et non seulement ça, mais ça enlève aussi toute l'image de sagesse de cette personne. Surtout quand tu vois, par exemple, des personnes âgées qui ont une barbe blanche, ça inspire le respect, ça inspire la sagesse. Tandis que quand tu le vois exactement, ouais, tu sais, tu rases ta barbe comme ça, ça fait pas beau, hein. Exactement. Bon, les ulama, ils ont dit, si tu rases tout, ça c'est haram, ça c'est un péché, c'est-à-dire c'est un grand péché. Si tu coupes ou tu la baisses, c'est moins grave que de la raser, mais c'est quand même un péché aussi. Parce que, non, si tu la diminues ou tu la baisses, ça c'est quelque chose qui est un péché aussi, mais qui est moins grave que de la raser. Il y a une affaire qui est rapportée de Ibn Omar qui dit de la couper en dessous du poing, en dessous de la poignée de la barbe. Mais la plupart des gens qui disent ça, si tu vois, ils ne coupent pas en dessous de la poignée, ils coupent bien plus que la poignée. C'est que quand tu fermes ton poing, là, qu'est-ce qui va sortir? C'est juste des petits bouts. Eh bien, la plupart des gens, ils peuvent pas faire une poignée avec leur barbe. Et qu'est-ce qui sort? C'est juste un petit bout, là. Peut-être qu'ils voulaient dire, d'enlever les petits bouts qui dépassent en dessous du poing. Mais encore là, il y a des ulama qui ont dit non, c'est pas permis de faire. Même ça, c'est pas permis de le faire. Ouais, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, oui, il avait une barbe, c'est ça. Les gens, les sahaba, quand ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était dans la salat, ils savaient qu'il était en train de réciter parce qu'ils voyaient sa barbe bouger pendant la salat. Et il avait une barbe très fournie, hein, qui arrivait jusqu'à sa poitrine. Hein, c'est-à-dire sa barbe, elle arrivait jusqu'à sa poitrine, donc on voyait qu'il avait une barbe. Et en même temps aussi... Même les prophètes, ça a été mentionné, qu'ils avaient la barbe aussi. Ils avaient tous la barbe. Bon, le cours, c'est pas sur ça. Donc, on va revenir à notre sujet, là. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous ordonne quelque chose, et surtout quand il le rattache à, par exemple, comme une menace ou bien par rapport à quelque chose d'autre, comme surtout ici le fait de nous distinguer des koufars et des mushrikines. Donc ça, c'est clair dans ce cas-là que c'est une obligation, que c'est un ordre, hein. Et il y a plein de preuves dans la charia qui supportent, hein, cette obligation-là. Même l'imam Ibn Abdul Barr, Abu Yusuf, Abu Amr Ibn Abdul Barr, un des grands ulama parmi les salafs, il a dit que personne ne rase sa barbe excepté les mukhannathin, c'est-à-dire les hommes efféminés. Donc, il a dit que les hommes qui rasent leur barbe, c'est les hommes efféminés. Donc, tu vois. Et Cheikh Al-Albani, il a parlé de ça, il a mentionné des preuves. Peut-être le frère, tu voulais rajouter un point là-dessus? Oui, des Perses, parmi les Perses. Oui. De laisser la barbe. Non. Oui. En fait, c'est... Oui, c'est un... Ça, j'ai entendu ce hadith, que les deux hommes de la Perse, quand ils sont venus, ils avaient la barbe rasée, puis ils avaient une moustache. Une très grosse moustache. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté cette apparence-là. Tu vois? Alors que si tu regardes aujourd'hui l'image que les koufars donnent des Arabes dans les médias, c'est un homme avec une grosse moustache et pas de barbe. Souvent, c'est ça l'image qu'ils donnent. Et ça, c'est... Oui, c'est ça. Et puis, ils donnent l'image de, des, comme si, quand ils veulent montrer quelqu'un, ils veulent dire, ah, lui, c'est un extrémiste religieux, ils vont dire, c'est quelqu'un qui a une grosse barbe. Hein? Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait une grande barbe. Hein? Tous les prophètes d'Allah, ils avaient la barbe. Même Jésus, les chrétiens, ils le dessinent, ils font son image avec une barbe. Et Moïse, la même chose. Et Abraham, la même chose. Et Jacob, et Isaac, et Noé, tous les prophètes, ils les dessinent toujours avec une barbe. Parce que ça, c'est l'exemple des prophètes, yani. Et Allah musta'an. Non, mais c'est ça. Il y en a des, parmi des gens, comme par exemple les Ikhwan, tu vas voir parmi les Ikhwan, comme Al-Qardawi et d'autres, qui essaient de dire, non, c'est pas grave, tu peux raser la barbe, c'est pas un péché de raser la barbe. Mais, yani, ces gens-là, souvent, ils se basent pas sur des hadiths. Ils se basent juste sur qu'est-ce qu'ils ont trouvé, par exemple, chez les gens. Parce que eux, ils veulent faire plaisir aux gens. Donc, s'ils voient, par exemple, que les gens, ils veulent pas laisser pousser leur barbe, ça les dérange de laisser pousser la barbe, bon, pour leur faire plaisir, ils vont leur faire une fatwa pour dire, ok, vous pouvez raser la barbe, c'est pas grave. Hein? Ou bien si, par exemple, maintenant, les koufars, eux, ils considèrent que d'avoir la barbe, c'est sale, c'est pas bien vu, donc pour être propre et pour avoir une belle apparence, il faut être bien rasé. Donc pour eux, ça c'est ça la norme, c'est-à-dire que quand tu vas aller travailler chez les koufars, il faut que tu te rases parce que eux c'est ça ce qu'ils veulent, ou des choses comme ça. Donc eux, ils font des fatwas pour faire plaisir aux gens, comme si la religion c'était à eux. Ils décident ok, oui, tu peux le faire, c'est permis. Et donc, ils font pas des fatwas basées sur les preuves du Coran et de la Sunna, ils font des fatwas pour faire plaisir aux gens. Comme s'ils font des spéciales, hein, quand tu vas aller chez... C'est un des exemples pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous distinguer des juifs. Les juifs, quand tu les vois, ils laissent leur barbe et leur moustache, une grosse moustache en même temps. Ils ne coupent pas la moustache. Ils laissent leur moustache aussi. Donc, c'est pour ça, tu vois, toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de laisser la moustache et de baisser la de laisser la barbe et de couper la d'abaisser la moustache. Donc pour contredire, on la coupe pas qu'on rase complètement, on fait juste la couper pour la baisser. Hein? Naam, bon, revenons au sujet. Après, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh, il dit donc que, comme on a dit, ils ont expliqué que la sunna c'est at-tariqa, ça ne veut pas dire que ce n'est pas obligatoire. Que la définition de ceux qui disent que sunna ça signifie qu'est-ce qui n'est pas obligatoire, ça c'est venu plus tard. C'est les fuqaha qui ont ramené cette terminologie-là, mais que ce n'est pas ça que. C'était pas utilisé dans ce sens-là au début. Après, il dit وَلِهَذَا وَرَدَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَمِنْهَا عشر من الفطرة ولا شك في صحة المذهب الأخير لقوة أدلته وعدم ما يعارضها في علمي والله أعلم. Donc il dit que il y a d'autres narrations de ce hadith qui parle des 10 exemples des messagers. C'est décrit comme étant les 10 choses, les 10 étiquettes ou articles qui font partie de la fitra. La fitra, c'est la nature saine ou l'état d'origine de l'homme pur. Donc, l'exemple de la fitra, ça c'est mentionné dans d'autres hadiths. Et il dit qu'il n'y a pas de doute que la position qui est plus correcte et qui est correcte et qui est plus proche de la vérité dans cette divergence-là, c'est la position de ceux qui disent que c'est obligatoire de laver le nez dans le wudu, quand tu laves ton visage. Et la raison pour laquelle cette position-là c'est celle qui est correcte et qui est vraie, c'est parce que elle est supportée par des preuves fortes, très fortes, de la charia, et qu'elle n'est pas contredite par quoi que ce soit, selon ma connaissance. Ça c'est ce que le cheikh il dit. Il y a rien qui oppose l'obligation de laver le nez. Yani selon ma connaissance, wallahu a'lam. Ici on voit l'exemple du cheikh Abdullah al-Bassam qui montre sa modestie, hein, et son humilité du fait qu'il ne prétend pas avoir la science complète de toute chose, mais il explique que selon ce qu'il sait lui, il n'y a pas rien qui vient en opposition avec cet exemple-là. Tu vois, et ça, ça nous montre la modestie puis l'humilité de nos ulama, et que surtout dans les questions de fiqh et des divergences de fiqh, ils vont pas faire des débats ou des disputes basées sur ces questions de divergence dans le fiqh, parce que il y a toujours eu des divergences dans des questions. Même à l'époque des Sahaba, sur les questions de fiqh et des questions d'ijtihad, il y a eu des divergences, et les Sahaba, malgré tout, ils se divisaient pas sur ces questions-là. Les divisions sont arrivées dans les questions, c'est-à-dire les divisions qui sont arrivées par la suite, qui ont causé des divisions, les divergences qui ont causé des divisions, sont arrivées après l'époque des Sahaba, dans les questions de Aqidah, lorsque des gens de Bid'a sont venus introduire dans la religion des choses qui sont en contradiction avec les principes et les fondements de la Aqidah et du Manhaj. Mais sinon, à l'époque des Sahaba, dans les divergences, dans la Aqidah, il n'y en avait pas. Et dans les fondements de l'islam, il n'y avait pas de divergence entre eux. Les divergences étaient uniquement dans les questions de fiqh et les questions d'ijtihad. Ça, il y avait des divergences, mais ça ne dérange pas. C'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliquées, clarifiées à ce sujet. La plupart du temps, c'est des choses qu'il a excusées. Et il nous a montré comment agir dans ces situations-là. Donc dans ces choses-là, c'est correct. Après, ça nous montre qu'il faut être tolérant dans ces questions-là. Parce que tu vois souvent des jeunes, en particulier des nouveaux convertis, ou bien des gens qui sont nouveaux à la pratique religieuse, qui n'ont pas étudié le ilm avec les ulama et qui ne connaissent pas les questions de divergence, lorsqu'ils apprennent une chose, ils sont convaincus que qu'est-ce qu'ils ont appris la première fois, c'était ça seulement qui était le haqq. Et s'ils entendent une position des autres ulama qui est basée sur un dalil aussi, mais qui est contraire à qu'est-ce qu'eux ont appris la première fois, automatiquement ils commencent à vouloir faire une argumentation ou un débat, et même peut-être ils vont commencer à s'énerver, et même parfois ils vont même peut-être faire le tabdi' de quelqu'un, déclarer la personne égarée ou mubtadi' parce qu'elle n'a pas été d'accord avec toi sur cette position-là, alors qu'il y a déjà des ulama qui ont supporté cette opinion-là à ce sujet, et qu'il y a des divergences sur ce sujet-là depuis même l'époque des sahaba parfois, ou bien parmi les tabi'in, il y a eu des divergences où des grands ulama, les grands imams eux-mêmes ont divergé sur ces questions-là, et lui, il vient comme si, non, ça y est, tu dois faire ça de cette façon-là, et c'est ça qui est le haqq, même si il sait même pas qu'il y a des divergences. Donc ça, c'est les caractéristiques des gens qui sont ignorants des divergences entre les ulama, et qui connaissent pas les adillas, et qui savent pas comment faire le tarjih, et comment les ulama font le tarjih. Donc ils n'ont pas étudié ces choses-là, et c'est pour ça qu'ils sont fanatiques de cette façon-là, puis qu'ils sont muta'assibin, ils s'accrochent fanatiquement et aveuglément à une opinion sans même savoir la réalité de la question. Donc ça, c'est très très important de connaître avant de parler, et de pas s'énerver dans des questions comme ça. Si tu sais, tu parles. Si tu sais pas, tu te tais. Tu demandes la question à ceux qui savent, et tu retournes au ulama. Tu vas pas te faire une dispute. Toi, t'as appris quelque chose d'une façon, quelqu'un arrive avec une autre affaire, alors que qu'est-ce qu'elle fait, c'est correct également, puis là, tu commences à discuter avec la personne, puis à t'énerver, puis à t'argumenter, alors que peut-être que ce qu'il fait, c'est correct aussi. C'est possible aussi que ce ne soit pas correct. Peut-être que la personne réellement a ramené quelque chose qui est une bid'a ou qui est un égarement. Mais si tu ne sais pas avant, tu ne peux pas dénoncer ou condamner la personne, qu'est-ce qu'elle fait, avant de te renseigner, puis de savoir que ce qu'elle fait, c'est réellement contraire à la sunna. Une fois que tu as la connaissance, une fois que tu as la clarification, une fois que tu as vérifié et que tu sais clairement que la personne, qu'est-ce qu'elle fait, c'est pas correct, là tu peux aller la voir puis tu lui expliques. mais pas si tu n'as pas d'ilm, tu ne sais pas, tu ne vas pas réprimander la personne, la critiquer ou la condamner avant de vérifier. Naam. Ces questions-là, de toute façon, les ulama, quand quelqu'un cherche la science, okay, il ne commence pas par les divergences. Il commence toujours par apprendre une opinion en premier. Ça, c'est normal. Même que les ulama, ils disent, quand tu vas étudier le fiqh, tu vas commencer avec un matin, tu vas étudier un matin avec un cheikh, il va t'expliquer qu'est-ce qui est dans ce matin, il va expliquer les preuves et il va pas te donner 10 positions de chaque sujet, non. Il t'explique une seule chose. Après, tu vas évoluer dans l'étude et tu vas passer à un niveau plus avancé où tu vas commencer à voir deux positions différentes sur un sujet. En général, c'est les deux positions qui sont plus connues sur une divergence. Puis plus tard après, quand tu vas avancer dans la science, tu vas apprendre les différentes positions avec les différentes preuves et les détails. Mais tu ne peux pas apprendre ça du jour au lendemain et du premier coup. Tu ne commences pas par les divergences. Mais c'est pour dire, qu'est-ce que je veux dire quand j'ai mentionné l'exemple de qu'est-ce qu'est la différence entre les ulama et que on ne doit pas se précipiter à critiquer si quelqu'un fait quelque chose qui est différent. C'est juste dans le sens que lorsque quelqu'un est en train d'apprendre et qu'il veut... Il veut ordonner le bien ou interdire le mal ou changer le mal quand il voit quelqu'un qui fait quelque chose qui est différent de ce que lui il a appris, de vouloir automatiquement condamner sans se renseigner avant. Donc c'est ça le danger. Mais sinon, pour des fois s'il y a une divergence que tu dis c'est difficile, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, ça c'est possible que le talibain qui est débutant qu'il n'arrive pas nécessairement à discerner automatiquement qu'est-ce qui est plus proche de la vérité. Il y a des questions où c'est plus simple, c'est plus facile à connaître ou à comprendre, mais il y a d'autres questions où c'est plus compliqué à distinguer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans les divergences des ulama. C'est pour ça que dans des cas comme ça, par exemple, c'est possible que le taliban, il va faire le taqlid d'un alim. Il va suivre le alim qu'il considère comme étant de confiance et celui qu'il considère être le plus savant dans ce sujet-là ou dans ce domaine-là. Puis il va dire, je suis la position de ce cheikh. Parce que c'est ce cheikh, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en sa science, je suis en paix par rapport à son manhaj et à qu'est-ce qu'il suit. Et jusqu'à ce que je sois capable par moi-même de comprendre la divergence et de connaître la position la plus proche de la vérité, je vais me limiter à qu'est-ce que ce cheikh-là a dit pour ce sujet-là en particulier. Puis par la suite, donc c'est autre chose. Donc ça c'est de façon générale, tu vois. Parce que c'est vrai, il y a des questions qui sont plus méticuleuses, plus compliquées et que tu peux pas nécessairement toujours connaître facilement la vérité à ce sujet-là. En ce qui concerne les questions qui ont rapport avec la aqida et le manhaj, ça c'est autre chose. Quand c'est question de aqida et de manhaj, al-haq, c'est toujours une seule vérité. Il n'y a pas de possibilité de diverger dans ces questions-là si c'est des questions qui ont rapport avec le tawhid et la sunna et les fondements de la sunna et le manhaj des salaf. Ça c'est clair. Si quelqu'un diverge dans ces questions-là, ça veut dire qu'il s'est égaré ou bien qu'il est ignorant. Hein? Et dans des cas comme ça, il y a des manières d'agir ou de gérer ces situations-là ou ces personnes-là ou ces individus-là. Hein? Donc ça c'est à ce sujet. Wallahu a'lam. Après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit وَقَدْ اتَّفَقَ وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه ولكن اختلفوا هل يجزئ مسح بعضه أو لا بد من مسحه كله فذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز الاقتصار على بعضه على اختلافهم في القدر المجزئ منه وذهب مالك وأحمد إلى وجوب استيعابه كله. استدل الأولون بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على أن الباء للتبعيض، وبما رواه مسلم عن المغيرة بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. واستدل الموجبون لمسحه كله بأحاديث كثيرة كلها تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، منها بحديث الباب، ومنها ما رواه الجماعة مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. Donc le cheikh il dit qu'il y a une autre divergence aussi, et cette divergence là c'est la question de passer les mains sur la tête. Le cheikh il dit que les savants sont tous d'accord que c'est obligatoire de passer les mains sur la tête. Ça c'est, ils sont tous d'accord. Sauf que il dit donc ils sont tous d'accord que il faut passer les mains sur la tête, et ils sont tous d'accord sur le fait que c'est recommandé de passer les mains sur la tête au complet. Donc, qu'est-ce qu'ils sont d'accord? Ils sont d'accord sur le fait que c'est obligatoire de passer les mains sur la tête. Ils sont d'accord sur le fait que c'est recommandé de faire la tête au complet. Toutefois, ils ont une divergence sur est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est correct de faire juste une partie de la tête, ou bien de passer la même sur une partie seulement, ou bien qu'il faut passer les mains sur la tête au complet. Hein? Donc là, il y a une divergence entre eux. Donc, le cheikh dit que l'imam al-Thawri et al-Awza'i et Abu Hanifa et al-Shafi'i, les quatre ont dit que c'est permis de juste passer la main mouillée sur une partie de la tête, pas la tête au complet. Si tu fais une partie, c'est suffisant. C'est-à-dire juste une partie de tes cheveux. Non, eux ils disent, si tu fais une partie de la tête, c'est permis. Et je vais expliquer. C'est qu'il y a des gens, dans certains madhahib, comme le madhahib Shafi'i et autres, eux, quand ils font le wudu, quand c'est arrivé par exemple à la tête, ils font juste comme, ils mouillent leurs mains, puis ils font comme ça seulement. Tu vas le voir ça. Juste comme ça. Le devant, comme ça. Ils vont passer leurs mains sur le devant de leurs cheveux. Sur le toupet comme ça, hein? Et il pense que ça c'est suffisant, pas besoin de faire la tête au complet. Donc ça c'est une opinion parmi les opinions des ulama. Et donc ils disent que ça c'est permis, tandis que l'imam Malik et l'imam Ahmed, eux, ils ont l'opinion que c'est obligatoire de faire la tête au complet, devant et derrière, d'accord? Donc ça, c'est l'autre opinion. Les premiers, ceux qui ont dit que c'est permis de faire juste une partie de la tête, eux, ils se sont basés sur le verset dans le Coran, verset qu'on a lu, le verset 6, dans Sourate Al-Ma'ida, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ». Ils ont dit le « bas » dans « بِرُؤُسِكُمْ », « رُؤُس » c'est le pluriel du mot « ras ». Ra's, ça veut dire la tête. Ru'us, donc Allah il dit wamsahu biru'us. Biru'usikum. C'est-à-dire, eux ils l'ont interprété comme si c'était frotter une partie de votre tête. Parce qu'ils disent que le ba, ça veut dire une partie. C'est-à-dire une partie de votre tête. Mais, on va voir qu'est-ce que les autres ont répondu à ce sujet-là par la suite. Donc, il se base aussi sur un hadith rapporté par Muslim selon Al-Mughira, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le wudu et qu'il a frotté son ou passé ses mains sur son toupet et sur Al-Imama. Et sur Al-Imama, c'est-à-dire le turban. Donc il a passé sa main sur le toupet et le turban. Ça c'est leur argument à eux. Il dit, et ceux qui disent que c'est obligatoire de laver, de passer les mains mouillées sur la tête au complet, ils se basent sur plusieurs hadiths qui décrivent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, c'est-à-dire qu'il a passé sa main sur toute sa tête au complet. Parmi les preuves, le hadith de ce chapitre, celui qu'on est en train de lire maintenant, et le hadith qui suit, qu'on va lire probablement au prochain cours, qui décrivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme, en disant qu'il a passé ses mains à partir du début de sa tête, c'est-à-dire début des cheveux, où les cheveux poussent, jusqu'en arrière à la nuque, et qu'il les a ramenés, toutes les, ses mains, il les a ramenées toutes les deux vers le début, c'est-à-dire l'endroit où il a commencé, hein, sa tête. Donc ça, c'est la description. Et il dit, فَأَجَابُوا عَنْ أَدِلَّةِ الْمُجِيزِينَ لِمَسْحِ بَعْدِهِ بِأَنَّ الْبَا لَمْ تَرِدْ فِي اللُّغَى للتبعيد وإنما معناها في الآية الإلساق أي ألسقوا المسح برؤوسكم والإلساق هو المعنى الحقيقي للباء وقد سئل نفطوي وابن دريد عن معنى التبعيد في الباء فلم يعرفاه وقال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيد فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه وقال ابن القيم لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعد رأسه البتة. Donc il dit, les savants qui disent que c'est obligatoire de frotter ou de laver la tête, de passer les mains mouillées sur la tête au complet, ont répondu à ceux qui disent que c'est permis de faire juste une partie de la tête en disant que de dire que le ba dans biru'usikum, ça voulait dire juste de laver une partie de la tête ou de passer la main mouillée sur une partie, ils disent que ça n'existe pas dans la langue arabe. Le ba pour dire une partie seulement, ça n'existe pas dans la langue arabe. Et plutôt, le ba signifie de frotter, hein, de passer les mains en frottant sur la tête. Hein, en collant les mains sur la tête, c'est ça ce que ça veut dire, en frottant les mains en les collant sur la tête. Et il a mentionné le cheikh qu'on a posé la question à Niftaway, un des savants de la langue arabe, et également Ibn Dureid, en disant est-ce que la signification du ba peut être pour dire que c'est pour une partie seulement de quelque chose. Et ils ont dit, on ne connaît pas cette chose dans la langue arabe. Et Ibn al-Burhan, il a dit, celui qui pense que le ba peut être employé dans la langue arabe pour désigner une partie d'une chose, il a ramené au sujet des gens de là qui parlent arabe quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziya a dit, il n'y a aucun hadith, il n'y a pas un seul hadith authentique qui mentionne que on peut se limiter à une partie de la tête seulement. Il n'y a aucun hadith authentique qui mentionne qu'on peut se limiter à une partie de la tête seulement. Donc ça vient répondre à ceux qui pensent que tu peux faire ton oudou et passer ta main juste sur le devant de ta tête ou le devant de tes cheveux, puis que ça suffit, tu n'as pas besoin de passer sur la tête au complet. Ça c'est faux, c'est pas correct. Et c'est pas supporté par des arguments solides. Donc, ici, il faut être au courant. C'est bien d'être au courant de ça. Comme ça, si tu vois par exemple quelqu'un qui fait son voudou, tu le vois, il passe juste sa main sur le devant de ses cheveux, tu lui dis, ah, ça c'est pas ça, c'est pas la position correcte des ulama. Et la position correcte, c'est qu'est-ce qui a été mentionné dans les hadiths du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé ses mains du devant de ses cheveux jusqu'à la nuque et qu'il les a ramenés jusqu'en avant. Et c'est ça l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et donc, ça c'est la sunna. Et il n'y a pas de preuve pour faire juste une partie de la tête seulement. D'accord? Donc ça c'est un exemple à ce sujet-là. Et ensuite, le cheikh il mentionne les points qu'on peut tirer de ce hadith-là. Et on va finir avec ça. Le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Il a mentionné 13 points. 13 points qu'on peut tirer sur ce hadith. Et l'imam Ibn al-Mulaqqin, lui dans son charh de Umdatul Ahkam, il a mentionné 37 points. 37. Et en détail en plus. Hein. Donc il a vraiment élaboré. Donc, qu'est-ce qu'il dit, le Cheikh Abdullah Al-Bassam, parmi les points qu'on peut tirer de ce hadith-là? Premièrement, qu'il est légiféré de laver les deux mains trois fois avant de les rentrer dans le contenant, avant de faire avant de commencer le wudu. Ça, c'est le point numéro un. Je ne vais pas lire l'arabe pour chaque point parce qu'il y a des points qu'on a déjà expliqués. Le point numéro deux, at-tayammum fi tanawuli ma al-wudu li ghusl al-a'dha. Donc, at-tayammum, c'est-à-dire commencer par la droite. Ça fait partie des exemples qu'on peut tirer de ce hadith. Ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. At-tayammum. Pas at-tayammum. Pas at-tayammum. At-tayammum. Ça veut dire al-yamin, al-yumna. Al-yumna, c'est la droite. Al-yamin, c'est la droite. Donc, at-tayammum, ça veut dire commencer par la droite. Al-tabda bil-yamin. D'accord? Et le point numéro 3, légiféré de faire al-madmada et al-istinshaq et al-istinthar. Madmada, laver la bouche. Istinshaq, laver le nez. Et al-istinthar, faire sortir l'eau du nez en soufflant par le nez. Et de respecter l'ordre. De respecter l'ordre. Le point numéro ensuite il dit wala khilafa fi mashru'iyyatihima wa innama al-khilafu fi wujubihima wa taqaddama annahu huwa as-sahih. Donc il dit il n'y a pas de divergence sur le fait que c'est quelque chose qui est légiféré. La divergence c'est uniquement sur l'obligation, c'est-à-dire est-ce que c'est obligatoire de faire de laver le nez et la bouche dans le wudu ou est-ce que c'est seulement recommandé. Et on a expliqué la preuve que qu'est-ce qui est correct, c'est que c'est obligatoire. On a mentionné les preuves à ce sujet-là. Le point numéro 4, laver le visage trois fois et la limite du visage, le cheikh il dit وَحَدُّهُ مَنَابِتُ شَعْرَ الرَّأْسِ إِلَى الذَّقَنِ طُولًا وَمِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ عَرْضًا وَكَذَلِكَ يُثَلَّثْ فِي الْمَضْمَضَ وَالْإِسْتِنْشَاقِ لِأَنَّ الْأَنْفُ وَالْفَمْ مِنْ مُسَمَّى الْوَجْهِ فَالْوَجْهِ عِنْدَ الْعَرَبِ ma hasalat bihi al-muwajaha. Donc il dit le chef que la limite du visage c'est de l'endroit où poussent les cheveux jusqu'au menton, ça c'est en longueur ou en hauteur, et d'une oreille à l'autre en largeur. Donc la longueur c'est d'ici à là et largeur d'une oreille jusqu'à l'autre. Ça c'est la délimitation du visage. Et c'est-à-dire c'est légiféré de faire le madmada et le stinshaq, laver la bouche et le nez trois fois, puisqu'on lave le visage trois fois et que le nez et la bouche font partie du visage. Donc on le fait également le nez et la bouche trois fois aussi. Et donc c'est ça. Le point numéro 5, de laver les deux mains jusqu'au coude. Les deux. En arabe, yad, le mot yad, ça peut vouloir dire la main jusqu'au poignet, et ça peut aussi vouloir dire du bout des doigts jusqu'au coude. Oui. Et même à l'épaule aussi. Tout ça, on peut l'appeler yad en arabe. C'est pour ça que il faut spécifier. Soit que jusqu'au coude, ou jusqu'au poignet, ou jusqu'au coude, ou jusqu'à l'épaule. Mais ici, c'est jusqu'à l'épaule. Jusqu'au coude. Et là, jusqu'au coude. Trois fois. Le coude est inclus. Le point numéro 6. Mashu jami' al-ras marratan wahida. Yuqbalu biyadayhi. Yuqbalu biyadayhi alayhi. Thumma yudbiru bihima. C'est ça, de passer les mains mouillées une fois sur la tête, en allant du devant jusqu'en arrière et de l'arrière jusqu'au devant. Il revient, il va puis il revient. Après le point numéro 7, Rastur Rijlein Ma'al Ka'bein Thalathan, de laver les deux pieds jusqu'aux chevilles trois fois. Le point numéro 8, l'obligation de respecter l'ordre dans le wudu. OK. لإدخال الشارع الممسوح وهو الرأس بين المغسولات وملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء. Il faut respecter l'ordre des membres dans la purification. On ne peut pas les faire en désordre, le wudu. Le point numéro 9, cette description qu'on a lue, c'est la description du wudu complet et parfait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Le point numéro 10, que c'est légiféré de faire une salat après le wudu. C'est-à-dire que c'est permis que quand, à chaque fois que tu fais ton wudu, tu peux, si tu veux, faire rak'atayn. Oui. D'accord? Et aussi le point numéro 11, ouais, même si c'est dans les périodes de temps où c'est déconseillé de prier ou interdit de prier, comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier après le lever du soleil, directement après le lever du soleil ou juste avant le coucher du soleil, les ulama ont mentionné qu'il y a une exception pour les salawat qu'on appelle « dhatu asbab ». Les prières qui ont une cause, qui sont reliées à une cause, comme par exemple la prière pour le wudu, hein, ou bien la prière de l'istikhara, ou bien la prière qu'on appelle tahiyatul masjid. Lorsque tu rentres dans la mosquée, tu fais la salutation de la mosquée. Donc ça, c'est des prières qui sont reliées à une cause. Donc dans ce cas-là, ils disent que oui, pour celle-là, c'est excusé, c'est permis de le faire. Tandis que si c'est juste pour faire des nawafil volontaires, non, tu ne dois pas le faire dans ces moments-là. Parce que c'est des moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de le faire. Après, il dit wa inna sababa tamam as-salah wa kamalaha hudur al-qalb bayna yaday Allah wa fihi at-targhib bil ikhlas wa at-tahdhir min adam qabul as-salati mimman laha fiha bi umur ad-dunya wa man tara'at alayhi al-khawatir ad-dunyawiyya wa huwa fi as-salat fa taradaha yurja lahu husul hadha ath-thawab. Donc il dit le cheikh que parmi les causes qui font que la prière va être complète et parfaite, c'est que ton cœur soit présent devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a aussi l'incitation à faire preuve de pureté d'intention et de sincérité dans ta prière, et le fait de l'avertissement contre le fait de pas avoir des distractions dans ta pensée, dans ta prière, en pensant à des affaires de la vie d'ici-bas. Et que ça risque de faire en sorte que ta prière ne soit pas acceptée si tu te laisses aller dans ces pensées-là. Et que celui qui a des pensées, parmi les pensées de la dunya, pendant qu'il prie, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit repousser ses pensées de son esprit. Et s'il les repousse, dans ce cas-là, il peut quand même espérer en la récompense qui a été mentionnée dans le hadith. Même s'il a eu des pensées de la dunya, du moment qu'il les a, qu'il a fait des efforts pour la repousser. Mais on ne peut pas garantir, personne ne peut garantir à 100% qu'il ne va pas rien penser à d'autre que sa salat dans la prière. C'est-à-dire, ça se peut que quelqu'un, même s'il essaie de se concentrer, parfois, il peut être distrait par une idée, mais du moment qu'il fait l'effort de la repousser, il aura quand même la récompense qu'est-ce qui a été mentionné dans le hadith. Après le point numéro 12, فضيله الوضوء الكامل وانه سبب لغفران الذنوب. Donc le mérite de faire un wudu qui est complet et que ça fait partie des causes du pardon de nos péchés. Quand tu fais ton wudu comme il faut puis que tu vas faire rak'atayn après par la suite. Le cheikh, il n'a pas mentionné ici, mais il y a une autre narration de ce hadith dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wala takhtarru, wala takhtarru ». Donc il a dit, dans le hadith, il dit à la fin, yani, « Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih », Allah va lui pardonner ce qu'il a fait précédemment comme péché, et il a dit après « La takhtarru », c'est-à-dire « Ne soyez pas trompés », dans le sens que, en voulant dire que soit il est vraiment expliqué de deux façons, soit que ça voulait dire ne pensez pas que ça va effacer tous vos péchés au complet, parce que qu'est-ce qui est effacé en réalité, c'est uniquement les petits péchés, et également ne pensez pas que si vous continuez à faire des petits péchés continuellement que ça va effacer tous vos péchés, parce que les grands péchés, pour que Allah les pardonne, il faut que tu te repentes. il faut la repentance. C'est seulement les grands péchés, c'est seulement les petits péchés qui vont être effacés. La repentance est tauba, yani tatoub min al-dhanb, et les conditions de la repentance c'est al-iqla', c'est-à-dire tu cesses de faire le péché, al-azm ala adam al-rujou', yani que tu sois déterminé à plus revenir à ce péché, et le troisième c'est la troisième condition c'est la première, c'est al-nadam, c'est-à-dire le remords d'avoir fait ce péché-là. Et si ça comprend ou si ça implique un droit des hommes qui a été pas respecté ou qui a été enlevé, alors dans ce cas-là il faut qu'il y ait réparation, comme si quelqu'un il a volé quelque chose, il doit rendre la chose qu'il a volée à la personne pour qu'il soit pardonné, pour qu'Allah accepte sa repentance. Donc ça c'est des exemples, et ça c'est pour les grands péchés ou les péchés que quelqu'un a commis, tandis que si c'est des petits péchés, eh bien les actions que tu fais comme le wudu ou des choses comme ça, ça efface hein, ces péchés-là. Et ici il dit le cheikh, والثواب الموعود, ça c'est le point numéro 13, الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين وهما الوضوء على النحو المذكور وصلاة ركعتين بعد هذه بعده على الصفة المذكورة ولا يترتب على أحدهما فقط إلا بدليل خارجي وقد خص العلماء الغفران له الذي هنا بصغائر الذنوب أما الكبائر فلا بد لغفرانها من التوبة منها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه nukaffir ankum sayyi'atikum. Donc le cheikh il dit que pour que tu aies la récompense promise dans ce hadith, il faut que tu aies fait les deux choses ensemble, que tu aies par exemple fait ton wudu comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, puis que tu aies fait rak'atayn, les deux rak'at de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Si tu fais juste une des deux, eh bien tu n'auras pas cette récompense là sauf si tu as une preuve hein. Et après il dit que comme on a expliqué maintenant que le pardon c'est juste pour les petits péchés, mais les grands péchés, pour que tu sois pardonné pour les grands péchés il faut te repentir. Puis il mentionne le verset 13 dans surat An-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit si vous vous écartez des grands péchés qui vous ont été interdits, nous allons vous expier ou vous pardonner, hein, vous effacer les péchés, les autres péchés que vous avez faits. Nukaffir ankum sayyi'atikum. Donc, ça c'est pour dire que les grands péchés, il faut la repentance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal-fawahishi illa al-lamam. Donc, ceux qui s'écartent des grands péchés et des turpitudes, excepté al-lamam. Al-lamam, c'est quoi? C'est les petits péchés. Et l'exemple que Abdullah ibn Abbas a mentionné à ce sujet-là, il a donné l'exemple du regard que l'homme a, par exemple, quand il est dehors, il voit une femme, il la regarde. Ça, c'est considéré comme un exemple de petit péché. Et ça fait partie des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne avec les actions que tu fais quand tu fais ton wudu, ta salat, ça efface ces exemples de petits péchés là. Bien entendu, les ulama ils disent la saghira ma al-israr wa la kabira ma al-istighfar ma al-tawba wa al-istighfar. Donc ils disent que si quelqu'un persiste à faire un petit péché, ça devient un grand péché. Et si quelqu'un a fait un grand péché mais qu'il s'est repenti, eh bien c'est comme s'il n'avait pas de péché. Al-shirk, yani hada akbar al-kaba'ir. Le shirk, c'est le plus grand de tous les grands péchés. Et celui-là, si tu te repens du shirk, c'est-à-dire tu reviens à l'islam ou tu acceptes l'islam, dans ce cas-là, tous tes péchés sont effacés. Parce que le shirk, c'est le plus grand péché. Si tu meurs dans le shirk, peu importe le bien que tu fais, tu ne seras pas pardonné. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.